Ding ding dong, cloche a sonné. Ding ding dong. Ding ding dong, cloche a sonné. Ding ding dong. Yon vieux nishpaï, nan ville Bethléem, si Jésus t'est fait pour sauver le monde. Le grand jour c'est Noël, le monde a chanté, poisson a coulé, sous tête yon grand roi. Nan yon vieux nishpaï, nan ville Bethléem, si Jésus t'est fait pour sauver le monde. Bonjour, c'est Noël, le monde a chanté, poisson a coulé, sous ta dion grand roi. Chanter, poisson à couler, sauter.